Bonsoir, bienvenue. Et ouais, je... oui, bienvenue. Bruno me regarde, c'est parce que là, on est un peu comme inondé de bruit de l'extérieur. Il y a un concert à l'extérieur et puis je ne sais pas si vous l'entendez par le micro. C'est Limoilou en fait et puis ben c'est pas très loin de la station donc enfin si c'est c'est rien que ça, moi c'est juste moi qui l'entends, c'est correct. On y va donc. Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir c'est Bruno et Michel jusqu'à minuit. Plusieurs nouveautés, mais on va commencer avec quelque chose de récent mais pas nouveau. C'est juste parce que je suis encore sur un nuage suite au passage de Björn Riss et de Airbag dans le cadre du festival. C'est qu'on va écouter une pièce du plus récent disque solo de Björn Riss, A Storm Is Coming. You know I will. glowing summer, a spread under blue skies. We are going to face our longest winter as the trees in November. Could we still wait the colors of spring? modern technology, she was still a beauty to behold. Servant for centuries, generations of families. Ça, ça nous venait de Suède, Bright Eye Bryson, de leur album Five ou V. Moi, je présume que c'est cinq en chiffres romains. Bon, on va y aller pour Five. Donc, Bright Eye Bryson, Five. Avant, on avait Watcher of the Trees. Non, pas Watcher of the Sky. Watcher of the Trees, de l'album Fireflies in the Wood. Ça nous vient d'Italie. Et c'est un projet, je pourrais pas un one-man show, mais pas loin, là. Dario Marconcini, c'est paru il y a quelques semaines, je pense. Donc, une autre surprise qui nous arrive d'Italie, c'est un peu dans le mood Porcupine, Pink Floyd, avec un petit côté folk aussi. Belle découverte, Watchers of the Tree, Et l'album, c'est Fireflies in the Wood. Et on avait donné le coup d'envoi ce soir avec Bjørn Riis, A Storm is Coming. Ça, c'est juste pour me faire plaisir, un souvenir du mois de mai pour le festival. On va aller faire un tour du côté des messages d'intérêt public. Puis je vous annonce qu'au retour, vous allez entendre un autre groupe italien qui effectue un retour après, mon Dieu, 24 années, Arcadelt, un second album qui est paru la semaine dernière, je pense. Donc, je vous laisse avec le temps de vous rappeler que vous écoutez CKRL 89,1 et c'est Terrain Incognita avec Bruno et Michel jusqu'à minuit. CKRL. Limoilou en musique et le Grand Bazar des Ruelles s'unissent pour célébrer leur 11e édition. Du 7 au 9 juin, venez fêter dans le quartier Limoilou avec la réunion de deux événements phares qui feront courir les foules. Le pire est dans mon cœur, le meilleur reste à boire. Galaxy, Damien Robitaille, Jérôme 50, Dramatique et plusieurs autres. Découvrez le plus grand bazar citoyen de Québec. Plus de 400 tables attendues. Ventes, échanges entre voisins, barbecue, zone artisan et troubadour animeront le Vieux Limoilou les 8 et 9 juin entre 10h et 16h. Une présentation de Limoilou en vrac en collaboration avec la Ville de Québec, Patrimoine canadien et monlimoilou.com. Programmation sur monlimoilou.com/en musique et limoilouenvrac.com. Ça s'appelle RAP. Scared by the stillness of my face, the past was dying in me. Let me listen to your heartbeat. I didn't know your intentions, babe. I would have been. Thank you. Eros Gamos, per noi non importa quanti siamo ora, quanti eravamo allora, quanti saremo tra un po'. Eros Gamos, per voi che siete al di là del ponte che si contrappone alla morte, chiedete pure senza paura. Il sale della sapienza, l'oro fuso della conoscenza, chiedete, nulla è negato, Eros Gamos è un regalo. Il ponte che non divide, il ponte oltre la sorte, il ponte sulla nube del mattino, fra passato, presente, futuro. Ed avevo intonato una canzone per lui. In quel giorno, dai contorni sfumati, dicembre non piove così mai. Dicembre non era adesso. Lasciavo che lui cancellasse le sue impronte di zucchero filato sull'asfalto forse giallo marzapane, ma solo nel mezzo. Spingeva con tutto il peso del corpo quell'ultimo pezzo di muretto bianco. Un'ombra siglava la sua infanzia e fermava il suo gesto, sino che tutto non sarebbe stato che carta da macero. Ed avevo intonato una canzone per lui. Quando stille di sudore e una mano contratta liberò i mastini pronti a sbranare. Un biglietto di sola andata per l'ovest ondulato, mulini a vento e buoi trascinare l'aratro. Aroma di barbecue, un valzer lento, languido, stelle che non sembravano stare poi così immobili. Ore o millenni lasciano fluire anche l'inizio, questo corso di secchezze ed asciutte parole, crocevia di inganni e radici amare. Un duello interrotto a metà strada tra i tuoi pensieri oversize ed una scala pentatonica, un duello interrotto a metà tra due accordi eterni ed una brutta bestia nascosta nel tuo tempio. Thank you. walking through a maze. My mind is in a haze. We move from place to place in this never-ending chase. The searchlight sweeps the air. We have to face the scare in order to survive. We'll be right back. it's hard to see. Some lives gave away, hurried price to pay to escape the world of gray. The searchlight took us in the campsites like a pin, but we survived. CKRL Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Vous voulez améliorer vos conditions ou vos perspectives d'emploi? Vous songez à changer de carrière ou à faire un retour aux études? Avez-vous pensé à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy? Inscrivez-vous dès maintenant à l'un de nos nombreux programmes de formation qui démarreront dès l'automne. Technique d'éducation à l'enfance, bureautique, assurance de dommages, informatique, gestion de projet. Nos formations sont offertes de jour, de soir, à temps plein ou à temps partiel. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy vous propose un diplôme de qualité en peu de temps. Ensemble, on avance vers de nouveaux projets de vie. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Nous éclairons, vous brillez. Et nous voici de retour. Donc, ce qu'on a entendu juste avant les publicités, c'est, ça nous vient de Hollande, ou des Pays-Bas plutôt. Un monsieur qui nous a visité il y a plusieurs années dans le cadre de Terra Incognita, c'est Christian Brun. Son projet qui a pour nom Invention, et c'est son plus récent qui a pour titre Logica. Avant, on avait un groupe norvégien, Adventure, de leur plus récent album New Horizon. Et ben, en passant, ce groupe fait partie des 17 groupes qu'on retrouve en entrevue dans le livre que Terra Incognita a publié il y a quelques semaines, qui a pour titre Progressive Rock Fra Norge, volume 1, autrement dit, du rock progressif de Norvège. Et c'est une des 17 entrevues qu'on retrouve dans ce livre, qui est accompagné d'un CD compilation. C'est que ça permet aussi de découvrir musicalement, pas rien qu'en entrevue. Et qu'est-ce qu'on avait avant? Donc, oh oui, ça nous vient d'Italie, La Batteria, de l'album La Batteria 2. Un autre groupe italien avant. Et ça, c'est en fait les deux premiers groupes qui ont donné le coup d'envoi de ce bloc musical. C'est des groupes qui effectuent des retours après. Ben, dans le cas du premier, Arcadelt, le groupe avait publié un album en 1994 qui avait pour titre Enjoy, et depuis, plus rien. Et ils nous reviennent comme plus que 20 ans même, 25 ans, avec Arcadelt, c'est Arc 8, ouais, je pense qu'on peut le dire de même, là, c'est ARC avec un 8 collé dessus, donc Arc 8. Et l'autre groupe, c'est Folas Dactylus, qui avait publié un unique album en 1973 et qui nous revient cette année avec Hieros Gamos. Un autre, c'est assez fréquent dans le cas des Italiens de voir des groupes inactifs depuis des décennies qui reviennent. Ça, c'est le dernier en liste, le Folas Dactylus. On poursuit, je parlais tantôt là, de Christian Brun de Sky Architect, des Pays-Bas, et on va rester aux Pays-Bas avec un guitariste pour nom Han Juul, et tout nouvel album Ésotérique Euphonie. Et je pense qu'on a encore quand même pour une bonne heure, installez-vous, parce qu'on a encore pour une bonne heure de musique comme ça. Donc Ésotérique Euphonie du guitariste Han Juul. We've arrived. night we smell so musty. We get a night to get our stamps. It looks as though they trust me, and we move along to the promised land. Then a wall of heat did hit us, or the other way around. We get inside the bus for a sightseeing tour in this strange new world for all of us here in Asia. It's a great experience. It's a great experience. A whirlpool of colors and those spicy smells. The beautiful people and the tinkly bells. Serious. We're delirious. Smile, there's a totally range to a beautiful nearby isle. It's heaven here. The sun's burning hot, but still we are chilled. Drink a coconut, needs are to be fulfilled. We're happy here. And a trip to the jungle. We are both beguiled and feeling so humble. Up and close to an elephant in the wild. Look at the hills, fields and great plains. A beauty rarely seen. And those tropical rains are keeping this land forever green. What a great scene. It's a great experience. It's a great experience. Sharing these wonders with you here by my side. It's a wild experience. It's a wild experience. Being with you on this adventurous ride. C'est une belle découverte. Ça nous arrive de Seattle aux États-Unis. On n'a pas tant que ça qui nous arrive de autres frontières, de chez nos voisins du Sud. Donc, le groupe a pour nom Moon Letters. Et l'album, je pense qu'il est sur le point de paraître. Et il a pour titre Until They Feel the Sun. Un beau mélange de psychédélique et de prog, là, c'est vraiment très bon, c'est tout le long comme ça. Je pense que on va en réentendre assurément. Donc Moon Letters de Seattle. Tout juste avant, on était en Italie avec encore un nouveau groupe italien, Aldi Dallo Spazio. Petit côté floydien. L'album a pour titre Quasar et c'était la pièce Épiphanie. Avant ça, on était aux Pays-Bas avec Annual, Ésotérique Euphonie, et il y avait aussi le... Ah mais non, on a commencé avec ça, c'est vrai, je ne remonterai pas plus loin. Donc, ben écoutez, je pense que c'est le temps pour nous de faire un petit tour du côté des pauses. Et puis, on vous revient après avec un autre groupe italien qui a pour nom Seldon. On y va avec le temps de vous rappeler que vous êtes évidemment à l'écoute de CKRL 89,1. C'est Terrain Incognita avec Bruno et Michel jusqu'à minuit. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Avec Sentier Secret, j'aime installer une bulle paisible pour explorer cet espace de révélation que m'offre chaque auteur, compositeur, interprète ou musicien. C'est Suzy Turcotte qui vous donne rendez-vous chaque mardi à 13h30. Thank you.

It's up to you. ça, c'est un petit clin d'œil à l'autoroute qui s'en vient dans quelques instants avec Stéphane. Ça remonte à 1974, mais c'est une nouvelle édition qui vient tout juste de sortir de Ransart, du groupe norvégien Rufus. C'est le deuxième disque à être réédité. Et excusez-moi l'anglicisme, le remastering a été effectué par Jacob Holm Lupo de White Willow. C'est lui qui avait aussi fait le même travail pour le premier disque de Rufus. Apparemment, tous les disques vont être réédités de la sorte, un par un. Et donc là, c'est le deuxième. On reste en Norvège. Il y avait tout juste avant Professeur Tip Top de leur plus récent Hybrid Hymn. Ça vient de Suède. On change un petit peu de coin. Le The Nighttime Project, c'est avec deux anciens membres de Catatonia. C'est le nouvel album qui a porté Pale Season. En fait, je pense que c'est leur premier. Et on avait donné le coup d'envoi avec un groupe italien qui a pour nom Seldon, S-E-L-D-O-N, de l'album Per Quale Sentiero. Et c'est pas mal ce qui clôt notre émission de ce soir. On vous invite à rester des nôtres, Stéphane, dans quelques instants pour l'autoroute. Et bien, revenez-nous la semaine prochaine et visitez notre page Facebook. On a toujours plein d'infos. On en met régulièrement. Sur ce, bonne autoroute. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL 89.1. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Comme des bêtes 2, La femme de mon frère, Godzilla, Roi des monstres, Rocketman, Une ferme plus grande que nature et X-Men Phoenix Noir. Et au Clap Loretteville, Comme des bêtes 2, Godzilla, Roi des monstres, Mes voyages de chien, Rocketman, Une ferme plus grande que nature et X-Men Phoenix Noir. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. La Barberie vous convie à cette 22e édition de l'ouverture officielle de la terrasse. Nous vous attendons en grand nombre pour cet événement gratuit qui épatera toute la famille. DJ Robocop au platine, prestations musicales avec The Natural, air de jeu pour les petits avec Joujou Tech Basseville, la cuisine éphémère signée Pastissimo Traiteur, lancement de la sangrivière et d'autres brassins estivaux. Remis au lendemain en cas de pluie. Gratuit pour toute la famille. Te prends, t'avales comme un géant, un ouragan. L'auteur-compositeur-interprète Brigitte Saint-Aubin en concert le dimanche 9 juin à 14h à la bouquinerie Nouvelle Chance, 1595 Chemin de la Cavardière. Contribution volontaire. Les places sont limitées. Réservation au 88 948 3287. Musique et le Grand Bazar des Ruelles s'unissent pour célébrer leur 11e édition. Du 7 au 9 juin, venez fêter dans le quartier Limoilou avec la réunion de deux événements phares qui feront courir les foules. Le pire est dans mon cœur, le meilleur reste à boire. Galaxy, Damien Robitaille, Jérôme 50, Dramatique et plusieurs autres. Découvrez le plus grand bazar citoyen de Québec. Plus de 400 tables attendues. Ventes, échanges entre voisins, barbecue, zone artisan et troubadour animeront le Vieux Limoilou les 8 et 9 juin entre 10h et 16h. Une